professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le roi Chilouk au Sud-Soudan apparaît-il comme l'incarnation vivante du roi sacré? Quelles fonctions ont les dignitaires à peau de léopard chez les Nuers et les maîtres de la lance de pêche chez les Dinka? Pourquoi l'intervention d'un héros culturel? Philippe Descola, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, nous entraîne dans une grande enquête sur les genres de rapports à la Terre que chaque type de collectif a développé, les animistes dans un premier cycle et les analogistes dans un second cycle que nous découvrons depuis la semaine passée. Il nous propose donc la suite d'un cycle débuté en 2016 sous le titre « Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité », dont l'objectif, nous dit-il, est de reconceptualiser certaines notions au moyen desquelles l'anthropologie décrit et analyse les modalités et les institutions du vivre ensemble dans les collectifs non modernes. Depuis plusieurs cours, Philippe Descola reprend les travaux de grands anthropologues pour discuter le rapport qu'entretient la figure du roi sacré avec les territoires. Philippe Descola, qui dirige un laboratoire mixte du Collège de France, de l'EHESS et du CNRS, et qui a élaboré une anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains, revient ce matin aux collectifs analogistes et s'attache en particulier aux Chilouks et à leurs voisins les Nuers et les Dinka. Il présente et discute en particulier les travaux de Luc de Hoche et de David Kreber. À quoi tient le processus de transcendantalisation qui isole le roi sacré et le met en capacité de représenter le collectif en étant tout à la fois intérieur à lui et extérieur au segment qui le compose, demande Philippe Descola, qui explique qu'il s'agit d'un mécanisme spatial dont on peut mieux saisir les caractéristiques en revenant au continuum Nuer, Dinka, Chilouk. Dans les trois cas, les spécialistes rituels servant de médiateurs avec les forces cosmiques viennent d'un autre pays ou d'un autre milieu de vie. Chez les Nuer, le dignitaire à peau de léopard est un étranger. Chez les Dinka, les maîtres de la lance de pêche descendent d'une divinité des eaux qui leur donne leur caractère semi-divin. Le roi Chilouk, enfin, nous dit encore Philippe Descola, est un étranger indépendant des clans. L'anthropologue souligne que les Chilouks, voisins des Dinka et des Nuer, ont fait basculer le pouvoir rituel tout entier du côté du roi sacré. Mais le roi Chilouk n'est pas à la tête d'un appareil d'État et il n'a aucun droit sur la terre. Dès lors, comment le roi Chilouk représente-t-il un nouveau stade décisif dans la mise à l'écart d'une figure solitaire sacralisée, incarnant la fécondité cosmique aux yeux de tous? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 1er mars 2017 pour le cours de Philippe Descola, « Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui, médiateurs et rois sacrés au Sud-Soudan ». Il faut à présent revenir au collectif analogiste et à la question donc que j'avais abordée dans les leçons précédentes du rôle que joue le roi sacré dans certains de ces collectifs comme un principe de totalisation qui se trouve à la fois à l'intérieur de l'assemblage socio-cosmique qu'il représente, le roi, en même temps qu'il est étranger au segment qui compose cet assemblage. Et je voudrais consacrer toute la leçon d'aujourd'hui à l'un de ces rois sacrés, le roi Shilluk, afin de montrer comment il parvient à maintenir une position d'extraterritorialité qui, paradoxalement, et alors qu'il réside au cœur de son royaume, lui permet d'apparaître comme le principe transcendant donnant ordre et sens à la multitude des singularités sur lesquelles il règne. Le cas Shilluk a ceci d'intéressant, qu'il a joué un rôle prépondérant dans la discussion de la royauté sacrée depuis Fraser. C'est vraiment un passage obligé de la discussion sur la royauté sacrée. Fraser ne mentionne pas les Shilluks. Donc les Shilluks, je vais revenir dessus tout à l'heure, c'est une population nilotique du sud du Soudan, S-H-I-2-L-U-K. Donc Fraser ne mentionne pas les Shilluks dans la première édition du Rameau d'Or, dans laquelle la figure du roi sacré est principalement illustrée par des personnages de l'Antiquité, par des personnages du monde méditerranéen et proche-oriental ancien. Et c'est un jeune ethnologue anglais, Charles Seligman, qui, imprégné de la lecture de Fraser, va découvrir dans la première décennie du XXe siècle la royauté sacrée Shilluk, donc au sud du Soudan, et qui va en réaliser une description ethnographique qu'il va envoyer à Fraser. Et Fraser va reprendre la description que Seligman lui a envoyée, il va la reprendre presque intégralement dans la troisième édition du Rameau d'Or. Le roi Shilluk, on l'appelle le Ret, R-E-T-H, correspondait en effet parfaitement à la définition qu'avait donnée Fraser de cette institution. Il était donc ravi de trouver une incarnation vivante, en somme, du roi sacré. Il était l'incarnation terrestre d'une divinité, à tout le moins d'une sorte de héros semi-divin, Nyikang, N-Y-I-K-A-N-G, le fondateur de la nation Shilluk, et qui, du fait qu'il devait pouvoir transmettre le roi rituellement ses pouvoirs de fertilité cosmique à un successeur, devait être tué, donc c'est une des caractéristiques du roi sacré, afin que cette transmission se passe sans solution de continuité. Et la discussion donc sur la royauté sacrée, dans l'anthropologie britannique au premier chef, pendant plusieurs décennies, a mobilisé le cas Shilluk de Hockhart, par exemple, à Evans Pritchard. Quelques précisions donc sur les Shilluks. Les Shilluks sont à la frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Ce sont deux petites poches au bord du Nil, une région qui est assez fertile, périodiquement inondée par les crues du Nil. Ils sont environnés par les deux populations principales de cette région, des populations nilotiques qui sont les Dinka et les Nuer, dont je vais beaucoup parler dans cette leçon. Comme vous le savez sans doute, le Soudan du Sud est en ce moment traversé par une très grave guerre civile, la famine y règne, et sans vouloir faire de transposition automatique entre les traditions culturelles locales et la vie politique contemporaine, il est quand même très probable que la tradition de raid systématique entre en particulier les Shilluks, les Dinka et les Nuer, d'une part, et d'autre part, la tradition de vendetta interne pour régler les problèmes politiques, disons, à l'intérieur de chacune de ces grandes nations, joue probablement un rôle sur la désagrégation. D'ailleurs, c'est absurde de parler de désagrégation, puisqu'il n'y a jamais eu d'agrégation, en tout cas sur l'état de décomposition actuel du Sud-Soudan. Alors, L'anthropologue qui, dans les dernières décennies du XXe siècle, a le mieux exploité les hypothèses de Fraser sur la royauté sacrée, c'est notre collègue belge, disparu maintenant, Luc de Heuche. Le point de départ de Luc de Heuche, c'est qu'un roi, pour régner, doit se séparer de la société. Il doit être vu comme une singularité d'essence différente de celle de ses sujets. Par quels moyens cette séparation est-elle obtenue ? Alors, dans de nombreux cas, elle est d'ordre géographique et généalogique. C'est la thèse que, par exemple, Marshall Salins a systématiquement développée, à savoir qu'il l'a développée à partir de son étude ethnographique de Fidji au départ, puis ensuite il l'a étendue bien au-delà, sur une base comparative, en particulier dans un article qui s'appelle « The Stranger King », c'est l'idée que le roi est étranger et qu'il vient d'ailleurs. Ses ancêtres ne sont pas des autochtones, car la fécondité, l'énergie génésique, la vie viennent de l'extérieur sous la forme d'un jeune conquérant, souvent un chasseur, qu'il faut apprivoiser par le rituel. Et même lorsque les rois ne sont pas des allochtones, ils doivent marquer leur extériorité par des actes qui les différencient du commun des mortels. L'assassinat, l'inceste, le cannibalisme, qui sont souvent des actes symboliques, mais qui suffisent à montrer que ces personnages échappent aux règles de la moralité et de la civilité ordinaire. Les rois doivent aussi avoir été séparés de la société d'une autre façon. Même lorsqu'ils ne sont pas des étrangers à l'origine, il faut pouvoir, à travers le rituel d'intronisation, marquer de façon visible qu'ils sont en dehors des liens ordinaires de la parenté et des affiliations segmentaires. Or, l'argument que développe Luc de Heuche à propos de la royauté africaine, c'est que cette séparation est nécessaire non seulement parce que le roi, en position d'extériorité, peut ainsi offrir à la société une image qui la représente, tout simplement parce que c'est un signe et que comme signe, il doit être extérieur à ce dont il tient lieu, mais aussi parce que le roi offre à la société une image du contrôle cosmique nécessaire à la perpétuation de la vie sociale, notamment à la reproduction de la vie par le maintien du cycle climatique et le maintien de la fertilité des sols et des êtres. C'est un argument dont on a vu qu'il était aussi développé par Alfred Adler, c'est qu'on trouve en fait des figures de ce type, telles qu'on vient de les définir, y compris dans des formations sociales acéphales, où elles ne jouent donc pas le rôle d'un principe de totalisation extérieure, transcendant à la société, pour que celle-ci s'appréhende comme un tout. Ces figures sont donc nécessaires comme des médiateurs avec les forces cosmiques, qu'il y ait ou non un État. Et c'est ce que Luc de Heuche entreprend de montrer en référence au cas Chilouk dans un article qu'il a intitulé « L'inversion de la dette ». Il prend l'exemple justement des populations nilotiques qui sont très proches d'autres populations nilotiques que les Chilouks, qui sont très proches sur le plan sociologique et culturel des Chilouks, qui sont les Nuer et les Dinka que j'évoquais tout à l'heure. Et il met en évidence dans cet article l'existence d'une continuité structurale entre une société segmentaire et une royauté sacrée dans laquelle certains personnages qui occupent des fonctions, disons, magico-religieuses, analogues, deviennent progressivement de plus en plus séparés par leur statut du reste de la société sans que cela n'aboutisse pour autant à l'émergence d'un État véritable. Alors, le premier élément de ce continuum, ce sont les Nuer. Les Nuer, c'est l'exemple parfait d'une société segmentaire qui a d'ailleurs été utilisée, qui continue à être utilisée dans l'enseignement d'anthropologie pour définir ce que c'est qu'une société segmentaire, société acéphale, dans laquelle, pour reprendre la formule d'Evans Pritchard à leur propos, je le cite, « aucune personne, aucun conseil n'est investi des fonctions législatives, judiciaires, exécutives ». Une tribunuaire se compose de plusieurs segments territoriaux emboîtés, chaque territoire étant associé à un clan dit « dominant », dont les ancêtres se définissent comme les premiers habitants du lieu, ce qui ne leur donne pas pour autant un privilège politique. Et en cas de conflit, la solidarité des unités territoriales découle des affinités lignagères. Les segments s'opposent, se combattent ou s'allient, de sorte que la vendetta devient le mode normal de leur relation. Et comme l'écrit Evans Pritchard, le système politique est une anarchie ordonnée. Il faut savoir, pour faire référence à ce que je disais il y a un moment, que les deux principales composantes de l'armée du Soudan du Sud, ce sont des Nuer et des Dinka, qui sont opposés depuis plusieurs siècles. Il existe pourtant des arbitres. Ce sont des personnages qui s'interposent dans ces querelles incessantes. On les appelle, chez les Nuer, les dignitaires à la peau de léopard, Kwar Muang. Et ces pacificateurs ont une fonction politique, puisqu'ils s'efforcent d'amener les parties en conflit à trouver un terrain d'entente, mais leur statut, au fond, est au premier chef rituel. Comme l'écrit Evans Pritchard, ils sont en relation mystique avec la terre, ce qui leur vaut le pouvoir de bénir et de maudire. Evans Pritchard les appelle des chefs, quoique avec beaucoup de réticence, parce qu'en effet, ils n'ont pas de pouvoir associé, comme c'est le cas ordinairement, à ceux d'un chef. Et on pourrait, d'une certaine façon, tracer un parallèle entre le chef sans pouvoir de Clastre et le chef à peau de léopard Nuer. L'un comme l'autre sont dans une relative position d'extériorité, relative, par rapport au reste de leurs concitoyens, et ils ne disposent d'aucun pouvoir effectif. Pourtant, deux différences méritent d'être soulignées entre le chef sans pouvoir et les chefs à peau de léopard. Les chefs à peau de léopard sont des médiateurs rituels, c'est-à-dire qu'ils purifient les souillures, ils entretiennent la fertilité, ils font tomber la pluie, ils officient dans les sacrifices. Tandis que les chefs sans pouvoir amérindiens ne sont que des beaux parleurs, au fond, qui se contentent de répéter les normes idéales de la vie sociale et ils sont dépourvus, de ce fait, de toute dimension religieuse. Surtout, le chef à peau de léopard n'appartient généralement pas au clan dominant de la tribu où il exerce sa fonction. Il n'est pas un des possesseurs héréditaires de la terre tribale, c'est un étranger qui s'y est établi. Autrement dit, par contraste avec l'extériorité relative du chef sans pouvoir amérindien tel que Clastre le caractérise et qui est fondée sur une différence statutaire exclusivement, l'extériorité du chef à peau de léopard est aussi fondée sur une certaine extériorité par rapport au territoire même sur lequel il exerce une fonction rituelle. Lui aussi est un étranger qui vient de loin. Donc les deux figures du chef, chef sans pouvoir, chef à peau de léopard, sont bien caractérisées par une autorité privée des moyens de s'exercer, mais le chef Nuer jouit de fait d'une situation doublement extérieure par rapport au collectif. Il est une condition de possibilité de certains aspects du bien-être commun, c'est très important évidemment, et il est aussi un étranger au territoire. Double caractéristique dont on voit qu'elle pourrait constituer l'amorce d'un principe de totalisation du collectif, au moins à l'échelle locale. Les voisins des Nuer, les Dinka, présente une sorte de transformation structurelle de la formule Nuer. C'est une société segmentaire, qui à bien des égards est analogue au Nuer, Mais les Dinkas sont répartis en deux types de clans. Les clans dits détenteurs de la lance de guerre et les clans dits détenteurs de la lance de pêche. Et c'est dans ce dernier groupe que se recrutent les spécialistes rituels à la fonction héréditaire que l'on appelle les maîtres de la lance de pêche. Chaque clan Dinka est en relation avec un génie tutélaire. Mais ceux des clans des maîtres à la lance de pêche sont les génies les plus puissants et les bienfaits pour lesquels on les sollicite s'étendent bien au-delà du clan à l'ensemble de la tribu. Autrement dit, cette division interne a pour résultat de séparer la fonction rituelle de la fonction guerrière. Les maîtres de la lance de pêche, ils guérissent les maladies, ils assurent la vitalité de la terre, ils assurent la prospérité, et certains d'entre eux peuvent même atteindre une réputation exceptionnelle. À l'ordinaire, la fonction politique des maîtres de la lance de pêche est analogue à celle des chefs à la peau de léopard nuaire. Ce sont des médiateurs dans les conflits. Mais ils s'en distinguent par l'étendue beaucoup plus grande de leur pouvoir religieux. Godfrey Linnett, qui est le grand ethnologue anglais à qui on doit les descriptions des Dinka, dit des maîtres à la lance de pêche qu'ils sont, je le cite, en partie divins. C'est donc un statut ontologique à part qui les rapproche des rois divins à la Fraser. Comme eux d'ailleurs, les maîtres des clans à la lance de pêche sont tués lorsqu'ils atteignent un âge avancé. Ils ne possèdent pas pour autant de pouvoir politique direct. Ils ne jouissent pas non plus de privilèges particuliers en dehors du prestige qu'on leur accorde. Autrement dit, ils sont proches d'un côté du chef à peau de léopard, sauf que leur extériorité, elle est peut-être beaucoup plus accentuée du fait des propriétés thaumaturgiques intrinsèques à leur hérédité. Les chefs à peau de léopard nuaire se différencient du corps social de façon contingente par la fonction qu'on leur reconnaît. Les maîtres de la lance de pêche sont différents par essence. Et ça fait un saut dans ce continuum qui nous mène des nuaires au Dinka. Troisième élément de ce continuum, les Chilouks. Les Chilouks, qui sont voisins, comme on l'a vu tout à l'heure, des Dinka et des nuaires, ont quant à eux fait basculer le pouvoir rituel tout entier du côté du roi divin. Les divers segments lignagés ont en effet confié la fonction religieuse à un être unique, le roi, le Ret, R-E-T-H, considéré comme une incarnation de l'esprit Nyikang, qui est l'ancêtre fondateur de la dynastie et le garant de la fécondité. Alors le Ret, Fraser s'y est pas trompé, et ni Seligman, a tous les attributs du roi divin, y compris d'être exécuté quand ses forces déclinent, mais il n'est pas à la tête d'un appareil d'État, et à l'instar du roi sacré Mundang, il n'a aucun contrôle sur la terre, dont la gestion incombe au maître de la terre, représentant les clans dominants. En outre, comme chez les Dinka, la séparation de la fonction guerrière et de la fonction rituelle est complète, puisque le roi sacré Chilouk n'avait pas le droit d'aller au combat. La différence entre le Ret, le roi Chilouk, et les plus prestigieux des maîtres de la lance de pêche Dinka, dont je vous rappelle que Linnart disait qu'ils étaient quasi divins, c'est que le roi Chilouk possède un harem considérable, alimenté par les clans, tandis qu'il se situe lui-même en dehors du circuit des alliances. Autrement dit, il ne donne pas ses nombreuses filles en mariage et il se trouve isolé dans le tissu de la parenté et de l'alliance. Il ne participe pas aux échanges matrimoniaux. C'est un point important parce qu'on va le voir ensuite réapparaître sous d'autres formes, en particulier sous une forme inverse avec le souverain Inca. Et c'est en ce sens donc que le roi Chilluk représente un nouveau stade dans la séparation entre une figure solitaire, sacralisée, incarnant la fécondité et le renouvellement cosmique, et les autres membres du collectif qui lui confient des fonctions rituelles. Sans donner à l'isolement de plus en plus grand, ou à la séparation de plus en plus grande des fonctions rituelles au service de tous, dans les trois cas considérés, la valeur d'une échelle évolutive, évidemment. Luc II, je considère néanmoins que la séparation de ceux qui occupent les fonctions, ces fonctions religieuses, cette séparation est un trait structurel originaire du pouvoir sacré, eh bien d'être l'intermédiaire entre la société et les forces cosmiques, trait structurel sans doute nécessaire à l'apparition de l'État, sous certaines de ses formes du moins. Je cite Luc de Heuch, « L'État, en tant qu'appareil de coercition, implique l'émergence d'une institution magico-religieuse spécifique en un lieu extérieur à la parenté, et capable de briser le contrôle que celle-ci exerce sur l'ensemble des relations sociales. La royauté sacrée, alors c'est un bémol, la royauté sacrée ne peut être confondue avec l'État, elle le précède, le rend possible à la faveur de circonstances historiques diverses. Là, toute la question, ça, quelles sont ces circonstances historiques diverses? Alors, dans un article récent, David Graeber, anthropologue anglais bien connu, notamment ses travaux sur la dette et sur la bureaucratie, c'est un spécialiste de Madagascar par ailleurs, enfin récent, il est de 2011, Graeber a critiqué l'interprétation que donne Luc de Heuch de la royauté sacrée Chilluk. C'est l'article, donc, « The Divine Kingship of the Chilluk ». Il reproche à Luc de Heuch de soutenir que l'extériorité du roi est fondée sur le fait qu'il est sacré, tandis que lui, Graeber, affirme que le roi est extérieur parce qu'il incarne la souveraineté et la violence au moyen de laquelle cette souveraineté s'exerce. La position de Luc de Heuch, on l'a vu, c'est que le roi sacré se voit effectivement arraché du domaine de la parenté ordinaire afin d'assumer la lourde responsabilité de garantir l'équilibre de l'univers. Il doit nécessairement être séparé de la parenté, en tout cas dans la royauté sacrée africaine. Bref, dans les termes que j'emploie, il est le roi converti en une instance de totalisation, notamment par le rituel d'intronisation et le comportement qu'il doit adopter, qui le place de façon visible à l'extérieur de la société. En outre, et à la différence de l'interprétation que Evans Pritchard avait donnée de la royauté sacrée Chilluk dans la conférence Fraser de 1948, et où il voyait l'extériorité du roi comme une sorte de responsabilité politique nécessaire du fait que le roi avait pour fonction de représenter la société symboliquement, raison pour laquelle il devait s'en extraire, à la différence de cette interprétation de Evans Pritchard, Luc de Heuch part du principe que le roi est extérieur au premier chef parce que il représente la société vis-à-vis du cosmos. Il n'est donc pas simplement le signe du corps social qui doit être nécessairement séparé de ce dont il tient lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi parce qu'il représente une instance qui est externe à la société. C'est ce qui explique, selon Luc de Heuch, que l'on trouve les mêmes rites et les mêmes conceptions de la fonction chez des rois sacrés et chez des spécialistes rituels totalement dépourvus de pouvoir politique, comme par exemple les chefs à peau de léopard Nuer. Pour Graeber, au contraire, et par contraste, l'attribut du roi sacré, c'est la souveraineté, qu'il définit comme le droit d'exercer la violence impunément. Alors, on remarquera que cette définition de la souveraineté, qu'il emprunte à deux politistes contemporains, qui sont Thomas Hansen et Finn Stiputat, dans leur livre « Sovereign Bodies », cette définition, elle n'est pas très éloignée de celle que Max Weber avait proposée dans « Le savant et le politique » lorsque il qualifiait l'État comme une communauté détenant le monopole de la violence légitime. La différence entre la légitimité d'un côté et l'impunité de l'autre n'est en effet pas très grande si l'on considère, comme semble faire ici Graeber, que le roi est l'incarnation de l'État et que la violence qu'il exerce ne peut être réprimée puisqu'il est justement dans ses attributs d'exercer cette violence. La position de Graeber, elle est donc politique et morale, et non symbolique, comme celle de Luc de Hoche. Le roi n'est pas transcendant à l'ordre social parce qu'il doit s'en séparer pour en devenir le principe constitutif, mais parce que il doit être extérieur aux règles de la morale et de la justice ordinaire en exerçant une violence parfois perçue comme aveugle et arbitraire de façon à apparaître comme le fondement du système moral sur lequel la société est bâtie. Donc le roi, pour Graeber, n'est pas divin parce qu'il incarne ou représente un dieu, mais parce qu'il adopte le comportement paradoxal d'un dieu, à la fois protecteur et violent, juste et injuste, constant dans son devoir de justice, mais aussi imprévisible dans les châtiments qu'il inflige. Bref, c'est l'arbitraire des actions du roi qui en fait un être transcendant à la vie sociale ordinaire et donc capable, de ce fait, de constituer le fondement légitime. Le Collège de France et France Culture vous présente l'anthropologue Philippe Descola, Les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui médiateurs et rois sacrés au Sud-Soudan. Alors, avant de discuter les propositions que Graeber oppose à celles de Luc de Hoche, il faut examiner un moment les données factuelles sur lesquelles il les appuie, ces propositions, à savoir les cas de violence arbitraire dans la royauté Chilouk. Graeber consacre une trentaine de pages de son article à passer en revue ces cas de violence arbitraire sans que l'on soit, c'est en tout cas mon avis, très convaincu au terme de son inventaire par les exemples qu'il donne. Examinons ces exemples tour à tour, enfin certains d'entre eux en tout cas. Le premier domaine qu'il aborde, c'est celui de la cosmogonie, ou plutôt de cette partie de la cosmogonie Chilouk qui concerne le héros culturel à l'origine de la nation Chilouk, Nyikang. Donc Nyikang, à l'origine, habite dans une terre lointaine et suite à une querelle de succession dynastique, il est obligé de s'enfuir avec des compagnons poursuivi par son demi-frère. Son demi-frère s'appelle Douat. Nyikang et Douat s'affrontent de part et d'autre d'une grande rivière et Douat lance un bâton à fouir à Nyikang et lui dit de s'en servir pour creuser la tombe de ses compagnons. Nyikang prend le bâton à fouir et dit qu'il va plutôt s'en servir comme d'un outil agricole, ce qui est sa destination première, pour donner la vie, pour produire des céréales et donner la vie, et compenser les pertes causées par la mort que Douat venait de créer au moyen d'un sort. Donc on voit ici un acte de violence transformé en un instrument potentiel d'autonomie, un symbole de mort détourné en un instrument pour produire la vie. Bref, la souveraineté de Nyi Kang, au moment où elle se constitue, elle ne s'exprime pas par la violence arbitraire, mais au contraire par l'aptitude à perpétuer la vie. Après cet épisode, Nyi Kang séjourne dans un lieu appelé Tura, où il épouse la fille du chef local, qui lui donne un fils qui s'appelle Dak. Ce fils devient rapidement incontrôlable, violent, il attaque les membres de sa communauté, il pille les maisons selon son bon plaisir et les membres de la communauté décident qu'il faut s'en débarrasser. Ils se réunissent donc et pour se préparer à tuer Dak, chacun devant lui porter un coup de lance pour que la responsabilité soit partagée entre tous. Leur plan échoue, car Dak a été prévenu et il substitue une effigie à sa personne, de sorte que c'est une sculpture de bois que les membres de la communauté tuent à la faveur de la nuit. Alors, Graeber interprète cet épisode comme une sorte de parabole sur le fait que tant le roi que son peuple se constituent mutuellement par une violence arbitraire. Il me semble beaucoup plus simple d'y voir, au contraire, que la violence et l'arbitraire du comportement de Dak ne demeurent pas impunis, puisque les membres de la communauté se décident à y mettre fin, même si leur projet avorte. Alors, divers épisodes se succèdent encore jusqu'à ce que Nyi Kang, Dak et leur petite suite arrivent en pays Chiluk, où Nyi Kang établit ses compagnons et, chose intéressante, découvre que les habitants du pays Chiluk sont en réalité des humains qui ont une apparence animale, dont il va révéler la véritable nature en les convertissant dans cette opération en ancêtres des clans Chiluk contemporains. Pourquoi est-ce que l'épisode est intéressant ? Eh bien, il est intéressant parce qu'il fournit une sorte de clé, disons, logique, du passage d'un collectif animiste à un collectif analogiste par l'intervention d'un principe de totalisation. En effet, des animaux de diverses espèces qui se voient eux-mêmes comme des humains, mais qui voient les animaux des autres espèces comme des animaux, et qui vivent donc dans un régime animiste que Eduardo Viveiros de Castro qualifierait de multiperspectiviste, finissent, grâce à l'intervention d'un héros culturel, par se voir tous comme des humains. C'est-à-dire, ils partagent, au terme de leur transformation, la perspective unique du créateur, du collectif sociocosmique, dont ils sont devenus des segments. Il n'y a aucune perspective unique dans un collectif animiste, et il n'y a que des perspectives multiperspectivistes, justement, alors que, précisément, le principe des collectifs analogistes est qu'il y a la possibilité de totaliser l'ensemble des perspectives dans un point de vue unique. Donc on a ici une parabole, enfin, en somme, sur le passage d'un collectif d'un type à un collectif d'un autre type. Ce processus de socio-cosmogénèse est d'autant plus significatif qu'il est à l'évidence le résultat d'un processus soigneusement planifié et non le produit d'événements décousus. Dans son essai de synthèse sur les Chiluk, The Chiluk of the Upper Nile, dans cet essai de synthèse, Godfrey Lennart montre bien qu'à la différence des héros culturels Nuer ou des héros culturels Dinka, donc des groupes voisins, qui ont engendré leur peuple en les enfantant. Nyi Kang, lui, crée les Chiluk comme un véritable projet intellectuel. Nyi Kang découvre les Chiluk, il les transforme, donc il leur impose sa perspective, hein, alors qu'ils étaient séparés par le fait que chacun tenait une perspective différente, qu'ils se voyaient, qu'ils étaient des animaux, qu'ils se voyaient comme des humains, etc., etc. Il leur impose une perspective unique, il leur accorde des rôles, il établit des frontières, il réunit ensemble un groupe disparate d'humains et d'animaux, sans relation préalable entre eux, et il en fait des composantes de statut égal d'un même ordre socio-cosmique. C'est donc un véritable processus d'engendrement socio-cosmique caractéristique d'un principe de totalisation analogiste. Alors, Graeber, il voit ce processus comme un acte d'agression, comme le résultat d'une conquête, comme le fondement de la violence sur laquelle s'appuie l'exercice de la souveraineté par le roi sacré, qui est l'incarnation et le descendant de Nihikang. Comment ne pas voir, au contraire, dans ce processus de socio-cosmogénèse, une remarquable illustration de la nécessaire transcendance du principe de totalisation qui permet à un collectif analogiste de se constituer ou d'être constitué comme un principe, comme un ensemble, pardon, organisé. La matière est là, les êtres sont là, les lieux, mais ils sont disjoints, sans ordre, ni projet. Et c'est Nihikang, non pas qui les crée à partir du néant, comme dans la Genèse biblique, mais qui les compose dans un monde structuré. L'examen par David Graeber des formes de violence royale dans les institutions chinook n'est guère plus convaincant. Graeber juge que le roi, le Rhet, donc, du fait de la brutalité avec laquelle il traitait ses rivaux potentiels, se comportait d'une façon complètement étrangère aux valeurs chinook. Et pourtant, Linhart, Godfrey Linhart, qui, lui, connaissait les Chilouk de première main, écrit que les rois, je le cite, sont sacrés parce qu'ils manifestent une énergie et un savoir divin, et cela vient de ce qu'ils sont forts, rusés, et réussissent ce qu'ils entreprennent, et aussi qu'ils apparaissent plus proches du surhumain que les hommes ordinaires. Toutes ces qualités sont, selon Linhart, au contraire, placées au pinacle des valeurs que les Chilouks respectent. Alors, il est vrai que les rois Chilouks possédaient d'abondants troupeaux qu'ils se procuraient en partie aux dépens de leurs sujets. Mais leur manière de se procurer ces troupeaux était toujours indirecte. Lorsque un groupe local causait des troubles dans une région, le roi demandait aux voisins de ce groupe local de monter un raid pour capturer leur bétail et pour brûler leur village. Une partie des animaux capturés lors de ce raid revenait au roi et le reste à ceux qui avaient mené le raid. Autrement dit, le roi Chilouk prenait grand soin de ne pas exercer une violence directe ou même de prélever directement un tribut. D'ailleurs, durant les trois siècles qu'a duré la dynastie du roi sacré Chilouk, on ne trouve trace que de deux rébellions du peuple contre le roi, ce qui, au vu des faibles moyens coercitifs dont le roi disposait pour mater les révoltes, ne peut que signifier qu'il n'exerçait pas en permanence une violence insupportable par ses sujets. Et de fait, l'essentiel du rôle du roi était rituel, présider des cérémonies, demandant à Nihikang d'envoyer la pluie, ou bien procéder à des rituels de moisson. Il était même attendu du roi et de ses épouses qu'ils travaillent des champs attenant à leur résidence, ne serait-ce que de façon symbolique, afin d'embrayer, en quelque sorte, la fertilité des terres agricoles du royaume et l'abondance de leurs récoltes. Ce rôle liturgique du roi Chilouk est fondamental et il n'évoque en rien une manifestation de violence débridée et arbitraire. Dernier point, qui milite contre l'idée d'une extériorité du roi fondée sur l'exercice de la souveraineté conçue comme monopole de la violence arbitraire, c'est la situation qui prévalait durant la période s'écoulant entre la mort d'un roi, généralement tué par ses épouses lorsque ses forces déclinaient, et l'intronisation du nouveau roi. L'interrègne durait environ un an. Et les observateurs décrivent cet interrègne comme une période de chaos, de guerre civile larvée. Un chef chilouk en donne une excellente définition en 1975. Je le cite, « Cette période d'interrègne est appelée Wang Yomo, l'année de la peur. C'est la période quand nous avons peur les uns des autres. J'ai peur de vous et vous avez peur de moi. Si nous nous croisons loin du village, nous pouvons nous tuer et personne ne nous en empêchera. L'année de la peur signifie que nous sommes tous effrayés parce qu'il n'y a pas de roi. » Donc ce n'est pas du roi que les Chilouks ont peur, de ses actes de violence arbitraires et de sa fantaisie perverse. C'est au contraire, dans une veine qui est presque obscène, de l'absence de souverain dont la personne, incarnation de la puissance divine et médiation avec les forces cosmiques, assure la paix et la prospérité du royaume. Alors reprenons en quelques mots les arguments de Graeber donc pour les discuter. D'abord, l'extériorité du roi sacré ne viendrait pas du fait qu'il représente la collectivité vis-à-vis de forces surhumaines, mais de ce qu'il exerce une souveraineté fondée sur une violence arbitraire analogue à celle des divinités transcendantes. Je cite Graeber, c'est une des infortunes de l'humanité, que nous partageons une tendance à voir l'exercice réussi de la violence arbitraire comme divine en un sens, ou au moins à l'identifier à une sorte de pouvoir transcendant. Mais le Dieu capricieux qui châtie sans raison n'est en rien universel. Ce n'est pas un universel de la nature humaine, c'est une caractéristique, au contraire, tout à fait singulière d'un ensemble culturel qui s'étend du Proche-Orient aux sociétés nilotiques. Et de ce point de vue-là, il y a une continuité culturelle évidente entre la façade orientale de la Méditerranée, le nord de la Méditerranée, la zone de l'Égypte et de la Nubie, et le monde nilotique. C'est donc une caractéristique de cette région. C'est une civilisation de pasteurs, semi-nomades, avec une organisation segmentaire, qui ont développé une même conception de la condition humaine soumise au décret d'un dieu transcendant, conception qui demeure tout à fait exceptionnelle en dehors des religions abrahamiques et nilotiques. De fait, ce n'est pas le roi qui ressemble à un dieu transcendant, mais bien, comme Ockhart l'avait déjà fort bien montré, l'exact contraire. Ce sont des rois sacrés de plus en plus séparés du corps social que ces rois représentent, qui fournissent le modèle de la transcendance divine. Du reste, si l'on ne peut se rebeller contre un dieu injuste qu'en le maudissant, à l'inverse, on voit mal comment des rois sacrés pourraient être tolérés par ceux contre lesquels ils sont réputés exercer une violence arbitraire si ces derniers, ceux qui sont soumis à la violence, ne voyaient en eux que des tyrans imprévisibles. Le fait que ce genre de rébellion est, d'une manière générale, assez rare, indique que les sujets du roi sacré voit en lui plus et autre chose qu'une source d'exaction insupportable et injustifiée. Au fond, les sujets supportent ces accès de violence occasionnels parce que dans le roi sacré réside la clé de la fécondité et de la prospérité du royaume, parce qu'il figure, aux yeux de tous, un collectif dont il est physiquement et ontologiquement séparé et dont la permanence et la cohérence, et la vie matérielle aussi, sont perçues comme dépendant de sa personne. À quoi, alors, tient le processus de transcendantalisation qui isole le roi sacré et qui le met en capacité de représenter le collectif en étant tout à la fois intérieur à ce collectif et extérieur au segment qui le compose? Eh bien, il me semble qu'il s'agit au premier chef d'un mécanisme spatial dont on peut mieux saisir les caractéristiques en revenant au continuum Nuer, Dinka, Chilouk que j'ai examiné au début de la leçon. Dans les trois cas, les spécialistes rituels, servant de médiateurs avec les forces cosmiques ou qui les incarnent, viennent d'un autre pays ou d'un autre milieu de vie. Chez les Nuer, le dignitaire, le chef à la peau de léopard, condition de la fertilité et faiseur de pluie, n'est jamais un membre du clan possesseur de la terre, mais un étranger. Chez les Dinka, les maîtres de la lance de pêche procèdent d'une divinité des eaux qui a engendré leur lointain ancêtre, qui s'appelle Longar, et qui leur donne leur caractère semi-divin. Ils sont semi-divins parce qu'ils viennent d'un autre milieu de vie. Et comme l'écrit Godfrey Lennart à propos des Dinka, l'association est directe entre la rivière comme une source de vie pour les Dinka et le prototype des maîtres de la lance de pêche comme dispensateur de vie. En outre, les descendants de cet ancêtre de Longar, l'ancêtre issu de la rivière, appartiennent au clan Pagong et sont distribués dans tout le pays d'Inka, formant ce que Godfrey Lennart appelle une polytie intertribale, qui est en partie dissociée des attachements segmentaires locaux. Enfin, le roi Chilouk, dernier élément du continuum, descendant du héros divin Nihikang, est lui aussi d'origine étrangère, et il est totalement indépendant, on l'a vu, de la structure clanique, puisqu'il reçoit des femmes, mais qu'il n'en donne pas, et qu'il n'a aucun contrôle sur la terre, dont la gestion est assurée par les maîtres de la terre, représentant les clans dominants. Bref, l'extériorité des spécialistes rituels faiseurs de pluie et dispensateurs de vie par rapport à leurs concitoyens tient d'abord à leur origine, c'est parce qu'ils sont venus d'un autre monde et qu'ils possèdent la faculté de représenter le collectif au sein duquel ils ont pour mission de faire régner la paix et la prospérité. Cette extériorité, elle prend aussi la forme d'une différenciation ontologique croissante. Les chefs à peau de léopard chez les Nuer, ce sont des Nuer ordinaires, que seules leurs fonctions rituelles distinguent des autres. Les maîtres de la lance de pêche d'Inka sont un peu différents puisqu'ils ont gardé, quant à eux, de leur origine, une dimension quasi divine qui s'exprime chez les plus puissants d'entre eux par des marques de respect extraordinaires et qui les assimilent à des êtres sacrés. Enfin, le roi Chilouk, le Rhet, est une incarnation divine d'une nature tout à fait différente de ses sujets. Enfin, l'extériorité croissante, elle se manifeste aussi dans le rapport au lieu. Tandis que le chef à peau de léopard Nuer et les maîtres de la lance de pêche d'Inka vivent parmi leurs concitoyens, le roi Chilouk vit dans son palais, et le palais est au cœur de sa capitale. Le palais comme la capitale sont sans doute modestes au regard de Versailles ou de Buckingham Palace, mais ils ont un statut, ces lieux, d'extraterritorialité. Non pas au sens juridique, mais parce que la vie menée en ce lieu était totalement différente de celle du reste du territoire. Fashoda, la capitale, encore une fois, ce n'est pas le Fashoda de l'incident franco-britannique, Pashod, comme on dit en chinook, était à peu près exclusivement peuplée par les femmes du roi, jusqu'à une centaine, chacune ayant sa maison, et aucun homme n'étant admis dans la capitale après la tombée de la nuit. La femme la plus âgée avait les fonctions qu'on prête ordinairement à un premier ministre, tandis que les autres femmes servaient d'intermédiaires avec les autres communautés. Les épouses royales aussi retournaient accoucher dans leur village d'origine, et elles y laissaient leurs enfants, avant de revenir à Fashoda, puis de quitter définitivement la cour à la ménopause, de sorte que, au fond, cette bourgade avait un côté irréel. Aucune trace de vieillard, aucune trace d'enfant. La mort et l'enfantement étaient tenus à distance, comme l'était le champ de la parenté et de l'alliance de mariage ordinaire. Les travaux des champs étaient réduits à la culture symbolique d'un lopin, mais la bourgade était alimentée en nourriture de qualité par les clans qui demeuraient extérieurs. Autrement dit, Fashoda ou Pashod, comme David Graeber l'a cette fois-ci fort bien vu, ressemblait à une utopie, une sorte de modèle réduit de la bonne vie sur Terre que les Chilouks ordinaires ne connaissaient en fait que la plupart du temps par la rumeur. Et cette extraterritorialité, eh bien, elle est caractéristique de beaucoup de sites royaux dans les collectifs analogistes et elle rend tangible le rapport ambigu à la terre du roi sacré. Il est à la fois coupé de la terre vivrière, sur laquelle il n'exerce aucun contrôle réel, et il est la condition de la fertilité du royaume dans son ensemble, dont sa capitale, et comme une version utopique fermée à ces sujets. Et plus que la violence que le roi exercerait, c'est sans doute cette extraterritorialité de la capitale, du roi Chilouk, qui, par rapport aux autres médiateurs rituels de l'ère nilotique, le transforme de façon effective en un véritable principe transcendant, apte à totaliser le collectif qu'il représente. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 1er mars 2017, Philippe Descola, Les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui médiateurs et rois sacrés au Sud-Soudan. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Descola. Il a notamment publié « Par-delà nature et culture » en 2005 chez Gallimard, et plus récemment « La composition des mondes, entretiens avec Pierre Charbonnier chez Flammarion en 2014 ». Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Philippe Descola son interrogation sur le rapport du roi sacré au territoire. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.